À l'occasion du 5e anniversaire de la visite du dirigeant suprême Kim Jong-un à Panmunjom, symbole de la division nationale, l'Association générale des Coréens en Chine a présenté dans le site internet Back to Hanna un écrit titré « La victoire de l'œuvre de réunification de la patrie est certaine grâce au général prestigieux du Baekdu sans égal ».